qui appartient à la globalisation, il y a le multilatéralisme. Il marché contrôlé par le fonds de l'offre et la demande, par la force des marchés et par le marché même. La nation de tout et nous ne peut pas pressionner un seul marché. C'est mais ça diversifie la compétence qui appartient à une variété de marchés. Il ne peut pas pressionner un seul marché. L'apertura de marché c'est nécessaire. En tant les pays, les nations, logrer l'apertura de marché con tant pays, con tant marché, c'est possible, mais là, et en tout le monde et comme tous les pays. Nous parlons d'une économie ouverte. Nous parlons d'une économie ouverte. Le multilatéralisme, c'est nécessaire pour lograr la lune nécessaire en salut, en économie, en relations internationales, en politique internationale. Le multilatéralisme, c'est nécessaire comme en diplomatie normale et financière. L'ère du multilatéralisme et la globalisation et l'Internet des FIPAO, c'est basique, c'est fondamental. La connexion remote et le télétravail, la téléconférence. Et si c'est capable de parler, pour le moins, tout parler, pour le moins. Et si c'est possible, plus de tout parler. Une bonne parole, la globalisation, le multilatéralisme, le marché après, le marché après. Et pas pressionner un seul marché. La communication immédiate, la communication remote, le télétravail, la téléconférence, et promouvoir et qui te poder. Pas doit exister un monopole de télévision. Promouvoir que tout le bien finit sa forme à tout à travers des manières tous les liens avec la capacité de compétence à niveau du monde, la communication instantanée, la communication immédiate à travers de l'internet. Pas importe la distance, la communication peut être faite. De ville à ville, de pays à pays, de continent à continent, à travers de tout le monde. Et le monde évolue. Et les personnes doivent évoluer à côté de ça. Pour compétir, pour évoluer, pour adapter, pour continuer. Merci beaucoup et au revoir.